Chapitre 7. Trois jours après le départ de Wenaël, Madame Labarède s'alita. Elle traîna pendant une semaine et mourut un matin, presque subitement, à l'heure où le soleil levant entrait dans sa chambre, se glissait jusqu'au lit près duquel se tenaient son mari et sa petite fille. Elle mourut sans connaître l'épreuve qui venait d'atteindre celle-ci et, de l'enfant d'hier, avait fait subitement une femme. Annonciade lui ferma les yeux, soutint son grand-père, dont la douleur était navrante, s'occupa de tout avec une sorte d'insensibilité apparente. La souffrance se concentrait en elle, criait dans le secret de son âme. À l'église, ou bien le soir, quand elle se trouvait seule, ses nerfs se détendaient et elle s'affaissait presque en demandant à Dieu de rendre la paix à son cœur bouleversé. Encouragé par elle, M. Labarède se remit au travail, abandonné pendant le premier mois après la mort de sa compagne chérie. Mais le chagrin l'avait trop profondément frappé. Ses forces l'abandonnèrent. Chaque semaine, chaque jour, Annonciade le voyait décliner et elle pensait avec effroi « Bientôt je serai seule !» Un après-midi de janvier, le vieillard s'éteignit entre sa petite fille et le curé de Sainte-Marthe. Sur sa demande, Annonciade avait ouvert la fenêtre. Le soleil s'inclinait déjà et ses rayons adoucis se répandaient sur le carrelage rouge de la chambre. La brise légère apportait jusqu'au mourant les familières senteurs d'eucalyptus et de pin. M. Labarède les aspira lentement. Sa main s'appuyait sur la chevelure d'Annonciade, agenouillée près du lit. Il dit faiblement « Tu seras courageuse, chérie !» Elle étouffa un sanglot en essayant de répondre. Vaincue un moment par la douleur, elle cacha son front entre les plis du drap. « Grand-père, grand-père, vous allez me laisser seule, toute seule !» La voix qui faiblissait un peu plus murmura « Tu ne seras pas seule, puisque tu auras Dieu. » Elle se redressa, déjà revenue de sa défaillance, se raidissant pour être forte jusqu'au bout, afin que le cher aïeul mourût dans la paix. En s'inclinant, elle baisa longuement le front humide qui, déjà, commençait de se glacer. Les yeux voilés par l'approche de la mort la regardèrent avec toute la tendresse qui remplissait le cœur du vieillard pour cet enfant bien-aimé. Quoique sa langue s'embarrassât, M. Labarède essaya de parler à nouveau et Annonciade comprit ces mots. « Y penses-tu encore ?» Elle fit de la tête un signe affirmatif. Le mourant serra plus fort la main qui s'abandonnait dans la sienne et dit encore « Oublie, pas digne de toi !» n'a pas souffert. » Puis il ne parla plus. L'étreinte de ses doigts se desserra, ses yeux se fermèrent. Quand le soleil quitta la fenêtre, M. Labarède avait cessé de vivre, la Bastide n'avait plus de maître et Annonciade se trouvait seule. M. Le Hennec ne vint pas assister aux obsèques de son beau-père. Il écrivit à sa fille que, très souffrant en ce moment, il lui était impossible de faire le voyage. En conséquence, il a prié de tout régler elle-même quant aux formalités. En conséquence, il a prié de tout régler elle-même quant aux formalités indispensables, de fermer la maison et de partir pour Brahe, où sa femme et lui seraient heureux de la recevoir. À cette lettre, de ton presque affectueux, Madame Le Hennec avait joint un mot de banale sympathie. Elle aussi engageait la jeune fille à venir les retrouver en Bretagne le plus tôt possible. Le curé de Sainte-Marthe, à qui Annonciade de demander conseil, déclara « Voilà en effet la meilleure solution pour le moment, ma pauvre petite. Vous aurez ainsi le temps de voir quelle orientation vous devez donner à votre avenir. Ici, vous ne pouvez demeurer seule. Louez le jardin à Bartino. C'est un brave homme qui aimait beaucoup M. Labarède et soignera le mieux possible votre petit domaine. » Annonciade ne pouvait que se rendre à ses conseils. Elle alla trouver Bartino, le voisin, qui accepta aussitôt de prendre le jardin en location et d'aérer, d'épousseter de temps à autre à la maison. Elle répondit à son père qu'elle partirait 15 jours plus tard. Elle prépara ses malles, alla dire adieu à quelques braves gens du village, à de pauvres malades dont elle s'occupait. Enfin, à la veille du départ, vers la fin de l'après-midi, elle s'agenouilla une dernière fois sous les voûtes basses de Sainte-Marthe, le front sur ses mains jointes, les paupières closes sur ses yeux pleins de larmes. Elle gémit en son cœur, Seigneur, Seigneur, donnez-moi la force !» Le déchirement de ce départ, l'effroi de l'avenir et toutes ces douleurs qu'il atteignait depuis un an étreignaient son âme en détresse. Elle songeait « Je laisse leur tombe ici, je laisse tout. Là-bas, je n'aurai rien. » Un parfum d'œillets et de roses s'exhalait dans l'ombre silencieuse, mêlé à l'odeur de vieilles pierres et à celle, âcre et chaude, d'un cierge qui se consumait. Les fleurs se dressaient en gerbe autour du tabernacle. Annonciade les avait apportées le matin en venant assister à une dernière messe dans sa chère église. Et voici qu'en les regardant, elle pensa qu'elle le retrouverait dans son exil, celui qui était là, et qui la soutiendrait, la fortifierait, comme il l'eût fait ici. Un souffle de consolation passa sur sa douleur, et elle se releva plus courageuse, en répétant cette parole de M. Labarède, « Tu ne seras jamais seule, puisque tu auras Dieu. » Elle revint à la Bastide, le long de la rue étroite où l'ombre s'amassait. On lui disait adieu au passage. Les petits-enfants quêtaient ses caresses et les mères s'exclamaient « Ah, quel malheur tout de même de vous voir partir, mademoiselle Annonciade !» Puis elle se trouva enveloppée par le soleil à son déclin en s'engageant entre les haies fleuries, clôtures de plantations d'orangers. Elle se détourna pour regarder une dernière fois le clocher sarrasin, roux et craquelé, qui se dressait dans la lumière. Tandis qu'elle continuait sa route vers le logis, elle retenait ses larmes en aspirant avec une sorte d'ivresse les senteurs du pays natal, du jardin cher à l'aïeul. L'ombre s'étendait sur les murs roses de la Bastide et sur la pierre brunie du pavillon. Annonciade entra, accrocha son chapeau dans le petit vestibule et sortit sur la terrasse. La fraîcheur du couchant s'insinuait dans l'air immobile et la lumière se perdait à l'horizon en glaçant d'un dernier reflet rose les lentes ondulations de la mer. Annonciade descendit les degrés rustiques et s'arrêta près du petit bassin ovale sous les orangers. L'eau du réservoir s'égouttait avec un doux clapotis. Annonciade se pencha pour remplir sa main. Elle demeura un moment ainsi, courbée, immobile. Ici même, debout devant elle, un an auparavant, M. de Pandelon lui parlait d'Homère. Ce jour-là, elle avait remarqué que ses yeux n'étaient pas bleus, ainsi qu'ils le paraissaient parfois, mais verts et traversés de vives clartés, comme l'eau profonde dans laquelle se joue le soleil. Il l'avait prise et meurtrie à jamais, les yeux d'énigme, les yeux perfides qu'elle cherchait en vain à oublier. Elle se redressa lentement. Les reflets qui s'attardaient sur le petit miroir d'eau frôlèrent le visage douloureux. Annonciade joignit les mains en songeant « Pourvu que je ne le revoie jamais. Là-bas, c'est son pays et il connaît mon père. » À cette perspective de se retrouver en face de lui, elle frissonna et baissa les yeux, comme si déjà elle sentait sur eux l'ardent regard qui avait pris son cœur d'enfant pour lui faire connaître la souffrance de l'amour. Fin de la première partie.